Salut, bienvenue pour ce deuxième épisode du rewatch de Highlander. On en est au tout début, saison 1, épisode 2, vous avez survécu au pilote. Du coup, je sais pas si je dois vous féliciter pour votre endurance ou pas, mais vous voici donc bien parti pour un deuxième épisode. Alors, je vous avoue que mon revisionnage du pilote de Highlander m'a laissé un peu mitigé quant à la qualité. Alors, je me doutais bien sûr, comme je l'ai déjà dit, qu'on est dans les... Voilà, c'est l'effet nostalgique, c'est les années 90. Je m'attendais vraiment à avoir du kitsch, mais je m'attendais pas à avoir un truc parfois vraiment naze. Du coup, j'ai lancé ce deuxième épisode en me disant merde, est-ce que finalement mes souvenirs sont totalement biaisés et que quand on est un enfant slash ado, on a vraiment des coups de chiottes? Alors oui, on a des coups de chiottes hein, quand on est enfant et ado, mais là n'est pas le propos. Mais après le revisionnage de ce deuxième épisode, je dois vous dire que je suis un peu rassuré quand même, parce que malgré le fait qu'il soit assez différent de ce que l'on, à mon avis, on aura régulièrement par la suite, j'ai trouvé quand même assez bon. Assez plaisant à regarder, ce qui est déjà une bonne chose. Ce deuxième épisode de Highlander, saison 1, s'appelle Family Tree en anglais, qui a été traduit par Jeu dangereux. Bon, on passera sur la traduction totalement nulle à chier de l'épisode. Cet épisode a été réalisé par George Montesi. On peut lui trouver en fouillant un petit peu des épisodes de Sydney Fox, Mutant X ou Andromeda. Je ne connais ni l'un, ni l'autre, ni relautre. Enfin, si Sydney Fox, je me rappelle de Tia Carrère, bien sûr. Alors, l'épisode se commence. Donc on entre directement dans le sujet, hein. On tergiverse plus trop, on sait très bien que les trois personnages de la série, c'est Adrien Paul qui joue Duncan MacLeod, Tessa Noël par Alexandra Vandernoot et Stan Kirsch qui incarne Richie Ryan, voilà. L'immortel, sa meuf et un peu voilà son petit poulet, son élève quoi, son apprenti dans la vie, on va dire. Alors le début de l'épisode est assez particulier. Parce qu'on commence vraiment complètement hors sujet. On est dans un casino, on voit un croupier qui se fait remplacer, qui se fait amener à la bosse. Du coup, là, on va retrouver un peu une sorte de trio d'antagonistes de l'épisode. Le trip de l'épisode, ça va être en fait que le croupier a fait de la merde et que sa chef, donc la directrice du casino, qui est forcément du coup une mafieuse, parce que ça ne peut pas en être autrement, va lui demander de rembourser les pertes. Alors il va devoir la petite somme de 50 000 dollars, et il a 5 jours pour rembourser, sachant qu'il va perdre un doigt par jour. Enfin, perdre. On va lui casser, donc voilà, ce qui est pas très très amusant. 5 jours, 5 doigts. Du coup, là, on commence à se dire, merde, je me suis trompé de chaîne, il n'y a pas d'Immortel, il n'y a pas Duncan MacLeod, il n'y a pas Stan machin, il n'y a pas Richie Ryan. Le lien va se faire assez vite, sera assez évident, le scénario sera pas super original, mais il aura le mérite d'avoir fait jouer quelques bons acteurs et avoir quelques bonnes idées. Mais ça, on reviendra dessus. Dans cette première scène, donc, on voit trois acteurs. Le premier, alors, il y en a un qui joue le rôle du gorille, un peu, voilà, du bras droit, côté sécurité du boss du casino. Et ce mec-là, j'avais vu sa tête, c'est sûr. Une sorte de grand blond, avec les cheveux longs, un peu, voilà, style un peu mulet, comme on osait faire encore dans les années 90. Et en fait, il faut savoir que ce mec, en fait, était connu pour un rôle récurrent dans la série 21 Jump Street. En fait, c'était un flic. Alors, c'était l'officier Doug Penhall. Mais en fait, moi, je le connais pas du tout pour ça. En fait, je me rappelle de lui parce que, en fait, la série Friends, je l'ai vu un nombre plutôt sympathique de fois. Je l'ai beaucoup vu, je l'ai beaucoup poncé. Et du coup, en fait, il y a un épisode dans la saison 2 de Friends où on a Chandler et Ross qui se font bully au Central Perk, et ils se font piquer le canapé par deux têtes de con, dont Peter DeLuise, qui vole entre autres après la casquette de Chandler. Je crois que même c'est l'autre en fait, c'est pas lui, c'est son compère qui vole la casquette de Chandler, mais voilà, c'est de là d'où je le connais, mais bon, d'autres peut-être plus vieux ou qu'on a vu de 21 Jump Street l'ont reconnu. Dans la même scène, on a le rôle du croupier, donc qui est par Jihee Freeman. Lui, vous avez pu le voir Alors, c'est un second rôle éternel, mais on a pu le voir dans Alien la Résurrection. C'était un des scientifiques, je crois que c'était le mec qui, limite, ça le faisait bander les aliens et il léchait la vitre, etc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette scène. Mais en tout cas, voilà, il se fait buter par un alien dans Alien 4. Il nous a quittés en 2014, hein, à l'âge de 68 ans, mais en même temps, on voit que dans l'épisode, il est déjà assez âgé, il a l'air d'avoir un petit début de cinquantaine. Et on a la directrice du casino, donc jouée par Tamsin Kelsey, qui a joué dans Stargate SG-1 le rôle de Gerwin, pour ceux qui savent, mais je ne la connais pas vraiment. Ça, c'est la première scène de l'épisode. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qui va se passer, mais après, en fait, on tombe sur une scène où il y a Richie Ryan, en fait, qui essaye d'arnaquer une assistante d'accueil d'un orphelinat. Et en fait, en gros, il veut récupérer son dossier pour savoir qui sont ses parents. Voilà, c'est telle est la quête de ce jeune homme. Et ça se passe mal. Il se fait choper par la sécurité. Apparemment, il est déjà connu et on va le quicher. On va lui dire d'aller niquer sa maman. Enfin, il sait pas qui c'est sa maman. Du coup, il aimerait bien aller la niquer, mais il sait pas où aller. Mais malgré tout, il arrive à subtiliser un papier qui dit que sa maman s'appellerait éventuellement Emily Ryan et qu'elle serait décédée. Mais voilà, l'épisode, en gros, ça va être la recherche de Richie de ses origines, alors que Duncan nous raconte au travers de flashbacks ses origines à lui. On a l'honneur d'assister à une fin de bataille où Duncan MacLeod, dans son clan, donc il y a 400 ans, dans les hautes terres d'Écosse, comme il dit, bah, il s'est fait grièvement blessé et il agonise et il claque. Son père, il est deg, mais il le célèbre comme un martyr, comme un guerrier, quoi, et du coup, qu'il faut aller encore plus niquer clan voisin en son honneur. Mais alors Duncan, il se réveille, voilà. Et sa blessure, elle a totalement disparu, quoi. C'est un miracle! Non! C'est l'œuvre du démon, du maître des forces obscures. Père, tais-toi, je ne suis plus ton père. Et du coup, son père, au lieu, comme n'importe qui, dire « Ouah, c'est chelou, mais putain, je suis trop heureux », dit « C'est chelou, c'est l'œuvre du démon, casse-toi ». Donc, il tue pas son fils, quand même, mais il le bannit. De rien, papa, fils de pute. Et du coup, là, l'épisode, en fait, il enchaîne sur une scène où Richie, voilà, il raconte un peu ce qu'il sait sur sa maman. Et puis Duncan, il lui file des idées un peu, voilà, comment tenter de la retrouver sans Internet. Ah ouais, avec Internet, un quart d'heure, c'est plié. On sait qui a baisé qui sur 10 générations maintenant. Mais donc, ce cher Duncan écoute attentivement ce que lui raconte Richie sur ce qu'il se souvient encore de sa jeunesse, de sa maman qui tombe par terre, évanouie dans le magasin de bonbons où il allait tout le temps, de Monsieur Crosby, du coup. En faisant des petites recherches, en demandant à plein de monde, en galérant comme un con, il retrouve ce Monsieur Crosby. Qui se souvient de lui ? Qu'est-ce que tu aimais les sucreries, toi ? Enfin, il se souvient de lui surtout parce que sa mère, en fait, elle est morte dans son échoppe, quoi. Elle est tombée, boum, même pas la trentaine, envoyée à l'hosto, terminée, Richie Ryan, go l'orphelinat. Et donc, pas de papa, mais en fait, si. Donc, il y a un père qui s'appelle Jack Ryan. Petite parenthèse, sachez que Monsieur Crosby, donc le gérant du magasin de bonbons où Richie allait tout le temps quand il était jeune, il a réussi à le retrouver, à force de demander dans la rue, etc., ça je vous l'expliquais, mais... C'est finalement un magasin Games Workshop qui lui indique la bonne direction. Je n'ai aucun doute sur les liens de sponsoring entre cette scène où l'enseigne Games Workshop fait littéralement un tiers de l'image. Donc bref, Crosby lui dit, bah écoute, Jack Ryan, possiblement ton père, il habitait dans cet hôtel encore il y a peu, vas-y go. Donc il y va. On est sur la bonne voie, Mac. Et bah il le trouve pas et il y a personne pour lui indiquer et tout, mais il tombe sur un mec chelou qui ressemble un peu à Gérard de Furen de Fun Radio, je sais pas si vous souvenez. Enfin bref, rip à lui aussi. Et voilà, le mec l'envoie à moitié chier et tout. Et Richie il lui raconte quand même sa vie en deux secondes et il lui laisse sa carte au cas où qu'il retrouve la trace de son père, quoi. Le mec qui croise dans le couloir qui ressemble à Gérard de Suren, c'est le croupier qui doit 50 000 dollars à la mafia. Et il va saisir l'occasion pour se faire passer pour le père de Richie. Il s'appelle Joe, mais il va se dire qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle en fait Jack Ryan. Richie, comme un... Voilà, on sait très bien depuis le premier épisode qu'il est vraiment pas futé comme gamin, eh ben, il va gober et il va, Stan Kirsch, il va donner tout ce qu'il a dans les scènes où il va de retrouvailles avec son père. Pourquoi tu l'as quitté? Tu l'aimais? Elle allait avoir un enfant et t'as foutu le camp. Les yeux humides, on sent que voilà que c'est pas du collier qu'on lui a rajouté. Le mec, il donne tout ce qu'il a. Ça a l'air d'être un bon acteur, c'est juste qu'il donne un peu trop tout ce qu'il a pour une scène à la con comme ça. Mais il manque vraiment, vraiment de méfiance. En fait, c'est exactement comme dans, je sais plus, vous vous souvenez probablement du Prince de Bel-Air quand Will Smith retrouve son père et qu'au final, Will Smith est trop content, son père vient le voir, il passe du bon temps avec lui. Mais en fait, c'est parce qu'il avait besoin de lui, quoi. Et une fois qu'il avait plus besoin de lui, il se barre et il s'en bat les couilles. C'est un peu le même délire, sauf que là, c'est même pas son père. Donc Duncan, Richie lui raconte tout ça et Duncan, il gobe rien du tout. Et voilà, c'est un peu bizarre, en 400 ans, j'en ai vu des trucs un peu chelous, mais ça, franchement, c'est la meilleure. Donc ce qu'il fait, comme n'importe qui, bah, il va se dire, tiens, bah, donne-moi l'adresse de ton père, je vais aller voir. Et il rentre par effraction chez le père, à l'hôtel à la con. Il rentre et là, il tombe sur qui? Non pas sur Jack Ryan ou Joe Monfion, mais il tombe sur le fameux gorille. À qui ai-je l'honneur? Moi, je suis un des nombreux amis de Joe. Oh, c'est pas Jack Ryan qui habite là? Donc Peter DeLuise, qui, voilà, qui veut dire, bah, je suis son conseiller financier, alors qu'en fait, il est là pour récupérer ses 50 000 dollars pour son patron. Il était là pour lui briser un doigt ou deux, puisqu'il va avoir un jour de retard. Donc au final, les deux, en fait, sont rentrés par effraction chez le mec. Ils veulent tous les deux lui niquer sa maman. Mais finalement, le mec rentre pas. Du coup, tant pis. Voilà. Ça se finit comme ça. Ça se finit en reniflage de trous de balle entre les deux mâles alpha. Et j'aurais rencontré un bon ami de Joe. Enfin, de Jack. Et je suis ravi. C'est réciproque. Juste après, hop, t'as Rachel Ryan qui rentre avec son père chez lui. Et Duncan, il lui fait, je me suis permis de rentrer, ça vous dérange pas? Le mec, il fait, non, pas de soucis. Le mec, il est complètement rentré par effraction, il est chez toi, genre, il rentre chez toi, le mec, tu le connais pas, il est assis dans ton canapé, et c'est même pas Christophe Lambert. Pardon. Donc, tu lui dis, j'appelle la police, quoi. Bah non, là, il appelle pas la police. Mais voilà, Duncan le prend de haut, il l'envoie à moitié chier, il disait, bah vas-y, je sens que tu... Vas-y, raconte-moi un peu le passé que t'as avec Richie quand il était enfant, raconte-moi un peu des histoires sur sa femme. En gros, Duncan, il essaye de le piéger, mais bon, Richie lui dit, vas-y, arrête tes conneries, c'est mon père, quoi. Donc Richie s'enfonce dans sa connerie, alors que Duncan va continuer d'enquêter de son côté et va tomber sur le casino... avec le gorille. Le gorille, il est trop content, tu vois. Il voit arriver Duncan. Et il se dit, putain, lui, je vais lui niquer ses grands morts. Et du coup, Duncan, bah voilà, il fait du watati watasha. Et il le fout par terre en 2 secondes. Séquence d'arts martiaux, entre un peu kitsch, mais plutôt pas mal, en fait. Les moves sont pas mal. Petite retournée acrobatique, des petits coups comme ça, hop, jab jab right, enfin vous voyez un peu, ça passe bien. Et le gorille, tu vois, en fait, il fait, mais comment qui t'a appris à te battre comme ça? Et là c'est ce qu'on va appeler le petit moment phrase à la con que seuls les immortels peuvent sortir. Hey, qui c'est qui t'a enseigné ça? Les mecs qui l'ont inventé. Voilà, comme vous avez entendu, c'est vraiment une phrase que seul un immortel peut sortir. On va essayer de les référencer et limite en faire un top à la fin, si ça vous dit. Mais on va retenir celle-là. Dans le premier épisode, je vous l'avais pas laissé, Duncan MacLeod qui dit à Connor MacLeod, « Bah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu passes ?» Et Connor MacLeod, il dit, « Oh, un coup de tête. » Alors déjà, la phrase est un peu bizarre, quoi. Le coup de tête, c'est par rapport aux immortels qui se décapitent. Voilà, il y a des petits jeux de mots à la con que seul un immortel peut sortir. Enfin bref, du coup après on a une scène, on est déjà pratiquement on est aux 3/4 de l'épisode en vrai. Il y aura pas d'immortel, il y aura pas de vrai combat, il y a eu juste un petit échange entre le gorille et Duncan. On est vraiment basé sur l'histoire, le passé de Duncan et de Richie Ryan. Donc on aura comme souvent la petite séquence d'engueulade où Tessa dit « Ouais, mais pourquoi t'as agi comme ça ?» Duncan, il fait « Ouais, mais j'ai raison. » Et puis au final, Duncan, il va faire « Bah, je fais comme je veux. » Et puis Tessa la rapproche et elle fait « D'accord, tu fais comme tu veux, mais d'abord, on baise. » « Je vais aller en parler, Richie. » »« Si tu attendais. »« Jusqu'à demain. » Et ça va être que comme ça. C'est l'instant baise de Tessa Noël ou de Duncan, les deux. Franchement, les mecs, je sais pas quel âge ils ont, mais ils arrêtent pas, hein. À chaque épisode, hein, ça baisse 2-3 fois. Hein. Mais genre, ça n'a aucun sens. C'est limite un. Ça fait limite introduction de porno. C'est genre discussion méga sérieuse et d'un seul coup, bon d'accord, t'iras enquêter. Mais d'abord, tu veux paniquer? What the fuck, mec? La fin de l'épisode, ça va un peu vite, un peu trop vite. En 5 minutes, t'as Richie qui se fait enlever par le gorille de la mafieuse. Duncan, il arrive. Oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais en fait, le faux père de Richie, bah, il vole un truc dans le magasin d'antiquité de Duncan et il essaye de le refourguer aux mafieux. Mais il a des remords, du coup, il va récupérer l'objet en question. Enfin, il a des remords parce qu'on le prend la main dans le sac, hein, bien sûr. Et bah, Duncan, il remet la race au gorille. Clinch, je te fous dehors. Il récupère son antiquité à $1 million ou je sais pas quoi là. Et puis c'est terminé quoi. La morale de l'histoire, c'est vrai qu'on essaye dans les séries comme ça de mettre une morale quand tu regardes Hartley Cœur à Vif, Friends, etc. Friends, bah il y a toujours une petite morale. Bah là, la morale c'est peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, que t'aies des parents ou pas, c'est toi qui décides de ce que tu es. C'est beau, hein. Concernant les origines de Richie, donc ça se finit en fait qu'on ne sait pas qui est le père ni la mère de Richie, parce que Emily Ryan, donc celle qui l'avait adopté, bah justement, l'a adopté. Et à part ça, il n'y a pas d'autres fichiers, on ne sait pas du tout de où Richie vient. Et c'est là où on a le parallèle avec Duncan. Duncan qui, après s'être fait bannière de son clan, donc là on est flashback 400 ans en arrière à peu près, et ben il recroise son père lui dit « Vas-y, casse-toi, va des rétro Satanas ». Et il lui dit « Mais t'es mon père quand même ». Et puis le père il fait « Bah non, en fait je suis pas ton père, en fait on t'a trouvé et on t'a échangé la naissance avec un autre gosse mort à la naissance quoi ». Petit échange de bébé quoi. Du coup, on voit très bien que voilà, Duncan on ne sait pas d'où il vient non plus. Gros point commun avec Richie, c'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent aussi bien. Vraiment, voilà, cet épisode a servi vraiment d'introduction toujours à l'univers, donc le passé. Je vous avoue que cet épisode est un peu court, peut-être par rapport à d'autres, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était assez classique, assez convenu, mais au final, relativement, oui, c'était suffisamment efficace pour être plaisant. On est toujours voilà, dans le posage de base et on découvre encore le trio. On ne sait pas encore Tessa d'où elle vient, etc. Il y aura peut-être des choses intéressantes à savoir par la suite. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enquiller le troisième épisode et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, au revoir.